Internet dernière génération. Internet dernière génération. Internet dernière G. Internet dernière G. Je les ai vus. J'ai vu brûler le pétrole. Ils font des nouvelles routes pour qu'un jour la ville et la ville et la ville ne soient qu'une seule et même. Internet dernière G. Internet.